Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Merci. Ne continue pas... Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Comme d'habitude, on a quand même un beau millimélo de toutes sortes de choses. Bon. Ce chapitre-là, comme tous les autres de l'épître, de la première épître à Timothée, là, ça justifie ce problème avec l'écran. C'est bon. Donc, ce chapitre-là, en général, la première épître de Paul à Timothée et la deuxième également, bien, ça justifie pourquoi on donne souvent le surnom à cette épître-là de pastoral. Parce que le propos concerne avant toute chose la direction à donner à l'Église, afin qu'elle accomplisse pleinement sa fonction d'appui et de colonne de la vérité. Hein? C'est ça la fonction de l'Église. Hein? Bon, évidemment, ça ne concerne pas uniquement que les dirigeants, les fidèles aussi sont concernés. Sinon, ça donnerait pas la peine de lire. On se donnerait pas la peine de lire ça ensemble ce matin. Donc, ça concerne les fidèles ainsi que les dirigeants. Tout le monde. Et les dirigeants, bien sûr, sont désignés pour être les modèles du troupeau, mais le troupeau lui-même est appelé à suivre les dirigeants. Donc, tout est dans tout et tout se suit, tout se tient ensemble. C'est sûr qu'à la première lecture qu'on fait de ce chapitre-là, comme je vous l'ai mentionné, on dirait que les instructions ont été jetées dans le désordre. Bon, c'est pour vous dire la vérité, ce n'est qu'une impression. Hein? C'est renforcé par le fait qu'il s'agit d'une lettre ici. C'est une lettre qui a été écrite à la main. Oui, il faut que je le spécifie. Ce n'est pas nécessairement évident à comprendre aujourd'hui. Ça a été écrit avec de l'encre. Ça a été écrit sans aucune possibilité de faire un retour en arrière. À moins de sacrifier le précieux support sur lequel la lettre a été écrite, hein, que ce soit du parchemin ou du papyrus, ça coûte les yeux. Donc, c'est coûteux. Et évidemment, l'apôtre Paul a écrit cette lettre sans l'aide d'aucun logiciel de traitement de texte. Alors, impossible de faire des insertions ou des retraits. On sent vraiment en lisant que l'apôtre a écrit spontanément et tout du long. Hein, en glissant parfois des remarques personnelles à Timothée, hein, comme on le voit au verset 23, où il fait mention de sa consommation d'eau et ses problèmes d'estomac. Donc, on a une impression de va-et-vient dans le propos. Hein, je vous donne un exemple, le propos concernant les anciens. Il a déjà été question des anciens au chapitre 3, on y revient aujourd'hui. Donc, l'auteur se promène d'un sujet à l'autre. Toujours est-il que dans le chapitre 5, on se trouve vraiment dans des questions très pratiques, dans des questions tangibles. Hein? Tangible, ça veut dire qu'il y a une réalité. Et ces questions-là sont reliées par un fil conducteur. Donc, il y a l'appel à la piété, il y a l'amour fraternel, il y a la discipline dans l'Église. On va y revenir, ça, plus tard, à ces fils conducteurs-là, à ces liens. J'appelle ça, moi, des liens. Puis j'ai choisi de regrouper toutes les directions données en trois ensembles, hein, parce que c'est des instructions qui sont données à Timothée, ou des directions, ou des directives, appelez ça comme vous voulez. Là, je les ai regroupées en trois ensembles, afin de faciliter notre compréhension. Ainsi, on a des instructions qui concernent la remontrance, on a des instructions au sujet des veuves, et finalement, on a des instructions qui encouragent à la pondération. La pondération, c'est la mesure, qui encourage à la prudence, notamment à l'endroit des anciens, mais aussi dans le choix des ouvriers. Donc, les instructions concernant la remontrance, ça concerne les versets 1 et 2. Les hommes qui enseignent dans l'Église, là, doivent enseigner, bien sûr, mais doivent aussi corriger quand c'est nécessaire. Et c'est pour ça que la remontrance est nécessaire également. Et les versets 1 et 2 donnent des instructions sur la manière d'exercer cette remontrance-là. Ça n'exerce pas de la même... elle donne des conseils sur la façon d'exercer la remontrance. Il est question de respect, il est question de douceur. Ça s'applique dans le cas des personnes âgées, des personnes plus âgées, je devrais préciser. Si moi je m'adresse à quelqu'un de plus âgé que moi, par exemple, il m'est demandé d'agir avec respect envers cette personne-là. Par égard, pourquoi? Par égard à son parcours de vie. L'âge, c'est honoré dans la Bible, et ce n'est pas juste dans l'Épître à Timothée que ça l'est. L'âge et l'expérience sont toujours magnifiés dans les Écritures, toujours, toujours, toujours. C'est toujours montré comme étant estimable et digne de respect. Ah oui, je suis complètement à l'opposé du discours actuel. L'âge n'est pas estimé du tout, au contraire, on se dépêche de mettre les vieux au placard. Mais ce n'est pas le cas dans la Bible. Je cite ici Lévitique 19, 32. « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Combien d'entre vous se lèvent à chaque fois qu'un vieux avec les cheveux blancs passe? C'est ça. Je devrais me lever à chaque fois que tu passes, par exemple, Jacques. Non, un frère qui reprend un frère plus âgé avec rudesse et avec arrogance commet certainement une faute aux yeux de Dieu. Et commettre une faute, ça n'empêche pas que la réprimande peut être légitime à l'origine. Il est simplement dit qu'il faut s'adresser avec respect lorsqu'on réprimande un aîné, une personne plus âgée. Pourquoi? Pourquoi on dit ça? Non seulement il y a le respect dû à l'âge, mais il y a aussi des conséquences bien pratiques, bien visibles. C'est que, en reprenant rudement un frère plus âgé, on peut l'écraser ou l'offenser au point de lui porter un coup fatal qui va définitivement l'éloigner de l'Église. Par ailleurs, si on le voit plus loin dans le verset 2, les exhortations respectueuses, ça ne concerne pas uniquement les frères plus âgés. En passant, les mêmes égards sont dus aux femmes plus âgées, aux jeunes gens, aux jeunes filles. Au bout du compte, là, on comprend quoi? On comprend que le respect et la douceur sont de mise à l'égard de tout le monde. Frères et sœurs, il n'y a pas de place pour la brutalité et l'impolitesse dans la correction. Au contraire, ici, c'est l'amour qui est mis de l'avant. L'amour, je parle le bien du prochain qui est recherché. Là. Exhorte-le comme un père, comme un frère, etc. C'est ça qui nous est recommandé. En fait, l'amour ici n'est pas mis de l'avant pour empêcher toute correction puis l'annuler là, pour la discréditer. Au contraire, c'est pour renforcer la correction, pour enlever tout caractère blessant à l'exhortation. Donc ça, c'est le premier paquet d'exhortations, de conseils pratiques, d'instructions qu'on voit aujourd'hui. Il y a un deuxième paquet qui concerne les instructions au sujet des veuves. Ça, c'est les versets 3 à 16. Oups. Ah, il me manque une slide. Bon, je suis désolé. Dites-vous qu'il y a un deuxième paquet qui concerne les instructions au sujet des veuves, les versets 3 à 16. Bon. Ce deuxième groupe d'instructions-là concerne des instructions qui sont à l'égard des différentes catégories de veuves dans l'Assemblée, parce que il n'y a pas qu'une seule catégorie de veuves, on le voit dans le chapitre ici. Là. En fait, la recommandation de l'apôtre, c'est que l'assistance matérielle de l'Église ne devrait s'adresser qu'à celles qui en ont vraiment besoin. C'est pour ça que les veuves dans le chapitre ici sont classées en trois groupes. Moi, j'ai vu trois groupes. Il y a tout d'abord les veuves âgées, hein, versets 3, 5 et 16, qui n'ont ni enfants ni relatifs, et qui devraient être inscrites sur la liste, sur le rôle, sur le registre, afin qu'elles bénéficient d'une assistance de la part de l'Assemblée, d'un soutien matériel. Verset 9. Deuxième catégorie de veuves, ce sont celles qui ont des enfants ou des relatifs qui pourraient les soutenir. versets 4, 7, 8 et 16. Et finalement, il y a les jeunes veuves. Versets 6, 11 et 15. 6, 11 à 15, pardon. Donc, ce sont celles qui sont exhortées à se remarier. Le passage qu'on a sous les yeux aujourd'hui fait vraiment une distinction entre les veuves qui méritent d'être prises en charge par l'Église et les autres. Qu'est-ce qu'une veuve véritable? Parce que c'est un terme qui est employé dans le chapitre. Ce sont celles qui ont non seulement perdu leur mari, mais qui encore n'ont rien reçu au moment du décès. Donc, aucune transmission d'héritage, aucun patrimoine, pour diverses raisons, soit que le couple était trop pauvre pour avoir amassé des biens matériels. Bref, la veuve se retrouve sans aucun soutien matériel. Elles n'ont pas d'enfants pour prendre soin d'elles. Elles n'ont pas de relatifs pour les soutenir. Donc, elles sont isolées et vulnérables. Et encore une fois, faut-il le rappeler, en ces temps reculés, où l'Épître a été rédigée dans le contexte de l'Église du Nouveau Testament, des premiers temps, là, il n'y a pas de filet social. Il n'y a pas de pension de vieillesse. Puis, quant aux possibilités d'une veuve de travailler pour gagner un maigre revenu, bien, elles sont quasiment nulles. Alors, ce sont vraiment des femmes qui se retrouvent dans une situation dans un grand besoin matériel. Elles sont démunies. Dans l'indigence, exact. Au verset 5, donc, l'apôtre Paul donne une description de ce que c'est une vraie veuve, telle que Dieu la considère et l'apprécie. Elle est isolée, privée de son mari, de l'appui matériel de quiconque, mais elle a mis son espérance en Dieu. Et là où on le lui demande, elle sert. Elle sert son Église avec dévouement et soutient son Église par ses prières. Pour toutes ces raisons, elle mérite d'être soutenue par l'Assemblée et d'être entourée de ses soins respectueux. Donc, on ne parle pas seulement d'un soutien matériel, c'est vraiment d'être soutenue aussi dans ses besoins spirituels par l'Église, avec respect. Et ce portrait-là, là, de la vraie veuve, contraste fortement avec celui de la veuve qui vit dans les plaisirs et qui est morte, quoique vivante, au verset 6. Donc, on comprend que son existence matérielle est assurée parce que pour vivre dans les plaisirs, il faut avoir un certain degré de richesse. Donc, elle vit dans l'aisance, elle a accès aux plaisirs, mais au lieu d'être en rapport continuel avec Dieu, ici, on remarque qu'elle poursuit des désirs charnels. Et puisqu'elle se préoccupe de ses désirs charnels, forcément, elle ne sert pas l'Église, elle se détourne de ses devoirs. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est morte du point de vue de la vie de l'Église. Et puisqu'elle n'est pas irréprochable dans sa conduite, bien forcément, elle est un mauvais exemple pour les autres femmes de l'Église. Évidemment, il n'est pas question de soutenir ce type de femmes-là. Il n'est pas question pour l'Église de soutenir des femmes qui ont une réputation douteuse et, par là même, de s'associer à leurs mauvaises œuvres. Pourquoi? Parce que ça pourrait avoir des conséquences aussi pour l'Église, des conséquences graves pour la bonne tenue de l'Église. Pourquoi? À cause du mauvais témoignage que ça pourrait causer. C'est un point sur lequel je vais revenir, mais ici comme ailleurs, vous allez voir, on appelle au discernement de la part des dirigeants, aussi dans la gestion des veuves. Maintenant, dans le cas où une veuve a des enfants ou des petits-enfants, et en admettant que ceux-ci vivent à proximité de la veuve et qu'ils font partie de l'Église, bien, il y a un devoir qui incombe à cette famille-là. C'est quoi le devoir? Bien, c'est les membres de cette famille-là doivent exercer la piété envers leur propre famille et ainsi payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Au verset 4. C'est pour cette raison-là aussi que les membres d'une famille, les enfants et petits-enfants, les descendants de veuves qui ne prennent pas soin d'elles, sont accusés d'avoir renié la foi. Ça, c'est dit au verset 8. Pourquoi? Parce que la foi, c'est l'ensemble des enseignements qu'on a reçus de Christ par la foi. Et c'est basé sur l'amour, sur le bien du prochain. En négligeant leur mère qui est veuve, bien, ces gens-là sont même qualifiés de pire que les infidèles. Pourquoi? Parce que même chez les infidèles, on se soucie de ses parents dans le besoin, ce que ces gens-là ne font pas. Ce qui est dit ici est assez sévère, mais pour Dieu, le dévouement des croyants là, dans les choses matérielles, c'est important. Et la famille revêt une importance particulière aux yeux de Dieu. Hein. C'est l'un des fondements de l'Église, c'est l'un des éléments qui contribuent à la stabilité de l'Église. La famille, c'est important pour Dieu. Donc, tous ces éléments que je viens de mentionner là, ça nous en révèle beaucoup sur la situation des veuves dans l'Église des premiers temps. Il semble y en avoir beaucoup. Il semble y en avoir de tous les âges. C'est une réalité qui est moins évidente pour nous aujourd'hui. Hein. Le veuvage, il y en a, mais c'est pas si fréquent que ça. Des jeunes veuves, c'est quelque chose à peu près inconnu pour nous. Et une autre chose qu'on comprend plutôt mal, c'est aujourd'hui personne n'est démuni parmi nous là, au point de mourir de faim, hein, en passant. Je pense pas que personne meure de faim au Québec, c'est impossible. Ah, on peut avoir des difficultés matérielles, mais personne ne meurt de faim ici, on ne sait pas ce que c'est. Bon, tout ce que je viens de dire, ça ne veut pas dire que ça ne soit pas pertinent pour nous, ça l'est. À un autre degré, ça nous demande juste un effort de compréhension de notre part. Ça nous oblige à... Le fait que la réalité qui est décrite dans le chapitre 5 soit éloignée de nous, bien, ça nous oblige à un effort plus profond pour le comprendre. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire ce matin. Donc, les versets 3 à 16, ça nous en révèle beaucoup sur le type d'enseignement que le Seigneur demande aux veuves. Hein? Le type d'engagement, pardon. Donc, persévérer dans la prière. Espérer en Dieu. Faire des bonnes œuvres, des œuvres qui sont bonnes pour l'Église. Servir l'Église avec dévouement et persévérance, avec abnégation. Avec ferveur. Avec pureté et persévérance. C'est comme ça que sont décrites les saintes femmes dans le Nouveau Testament. Et j'en suis convaincu ici, là, le portrait qui est donné de la vraie veuve ici, là, ça s'applique également à toute femme qui est pieuse. Finalement, ça ne concerne pas uniquement que les veuves. Hein? En fait, c'est un don inestimable qui est donné à l'Église. Là. Ces femmes pieuses qui servent souvent dans l'ombre, mais c'est un don inestimable pour l'Église. Et qu'elles soient veuves ou non, célibataires ou non, bien, il y a des femmes qui se dévouent encore aujourd'hui dans notre Église. Je tiens à le souligner. Pour notre Église, ici même à Mont-Saint-Hilaire, il y en a des femmes comme ça. Et on peut vraiment louer Dieu de bénéficier du service de ces femmes-là. Elles s'appliquent dans l'éducation, dans les soins les plus humbles envers les saints, dans la charité, dans la prière. Et puis, au-delà de la véritable veuve, là, c'est le modèle de la sainte femme qui est mis de l'avant dans le chapitre 5. Pourquoi? Parce que ce modèle-là sert d'exemple pour toutes les autres femmes croyantes. C'est vraiment la direction à prendre pour celle-ci. Naturellement, dans la Bible, toute chose, tout modèle appelle aussi son contraire, et c'est ce qu'on voit au verset 11 à 16. Les versets 11 à 16 nous donnent l'exact opposé de ces femmes saintes, hein, qui sont une bénédiction pour l'Église. Ce sont les femmes qu'on qualifie de oisives. Elles sont oisives, elles n'ont rien à faire, elles n'occupent pas leur journée, donc elles troublent le bon ordre dans la maison de Dieu. Et à l'époque où Paul écrit ces lignes, là, donc dans les premiers temps de l'Église, bien, cette situation-là qu'on appelle les femmes oisives, là, c'est le fait de jeunes veuves qui sont inactives et qui sont uniquement préoccupées par leur désir de jouissance terrestre, particulièrement leur désir de se remarier et d'accéder à un certain statut social, une certaine sécurité. En passant, cette description-là encore pourrait convenir à toutes les femmes qui se détournent du service de Christ et de son Église pour se consacrer, pour demeurer indolentes et improductives. Là. Encore une fois, le portrait peut s'étendre. Et l'abandon du service de Christ, bien, ça les amène à faire quoi? Bien, ça les amène à s'élever contre Christ. Leur cœur est vide et elles doivent le combler avec autre chose, par quelque chose. La nature a horreur du vide. Et comme elles ont du temps, elles sont indolentes, elles n'ont rien à faire. Et comme elles sont à l'abri du besoin, vous avez la recette parfaite pour qu'elles se livrent durant leur journée à des œuvres mauvaises. Je vous en ai donné quelques exemples. Par exemple, elles se rassemblent, hein, elles vont de maison en maison. Elles se livrent au bavardage, au babillage, futile, bruyant. Elles fomentent des manigances, hein, elles font des intrigues. Elles se mêlent de tout, elles rapportent des choses qu'elles devraient taire. Donc, au verset 12, il est mentionné qu'elles ont trahi leur premier engagement. C'est une formule assez mystérieuse ici. Ça veut dire quoi, ça? Bon. À cet endroit-là, à propos du premier engagement, le commentateur MacArthur suggère qu'il pourrait s'agir d'un engagement à ne pas se remarier qui est pris par la jeune veuve à l'occasion de son veuvage. Bon, c'est une opinion. Je ne dis pas que c'est absolu. C'est possible. Il y a quelque chose, par contre, je vais aller élargir le regard ici et je vais faire un recoupement avec ce qui est dit dans 1 Corinthiens 7 à propos du mariage. Et là, ça nous donne une opinion plus vaste sur la vie de l'apôtre Paul ici, et de Dieu, donc. L'apôtre dit ici, « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. » Autrement dit, il est bon qu'elles restent dans l'état où elles sont. Donc, la position dans les églises visitées par Paul, c'était clairement que les veuves restent dans l'état où elles se trouvaient. Pourquoi? Pour se consacrer à temps plein au service de l'Église, étant donné qu'elles sont libérées de leurs obligations maritales. Mais il y a le problème que je vous ai soulevé au verset 11, de 11 à 16, à propos des jeunes veuves qui sont oisives. Et devant ce problème-là, donc les jeunes veuves qui sont oisives et pour toutes celles qui brûlent du désir de se remarier, bien, il y a une solution pratique qui est donnée. C'est le remariage. Verset 14, « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. » Pourquoi? Parce que le plus important pour ces femmes-là, là, c'est qu'elles ne se détournent pas de Dieu et qu'elles retrouvent la communion dans l'Église. Avec l'Église. Donc, le remède qui est indiqué au verset 14, c'est un remède qui est pratique et c'est un remède aussi qui est en accord avec la volonté de Dieu. Donc, concernant les veuves, là, finalement, tout ce passage-là au sujet des jeunes veuves, là, ça nous montre qu'en se remariant, en suivant l'état de leur cœur, de leur motivation profonde, bien, elles peuvent s'orienter dans deux directions différentes. Soit elles suivent leur propre volonté et abandonnent Christ et les intérêts célestes pour suivre les intérêts terrestres. Elles font ça en se remariant, elles peuvent très bien suivre leur cœur, les inclinations de leur cœur. Soit, en se remariant, elles le font par soumission à Christ et au Seigneur, et par conséquent, elles ne perdent pas la communion avec l'Église. Donc, la même chose peut mener à deux directions différentes. On va passer à la suite, troisième paquet d'instructions qui concerne cette fois-ci, ce sont des exhortations à la prudence, à la retenue, et qui concernent aussi les relations avec les anciens, particulièrement dans le cas où les anciens, où une accusation est déposée contre un ancien. Donc, ce sont des recommandations qui sont relatives aux relations avec les anciens, mais aussi avec l'imposition des mains pour tout nouvel ouvrier. Il y a une chose qui les caractérise, il y a l'appel au respect par rapport à l'endroit des anciens, mais aussi l'exhortation à la retenue, à la prudence. La prudence, ça s'exerce avec le temps. On va parler des anciens tout d'abord. En toute chose, les surveillants et les enseignants dans l'Église doivent être traités avec des égards. Ça, c'est on ne peut plus clair. On dit même que qu'ils doivent être traités avec une double portion de respect. Et c'est particulièrement vrai quand vient le temps de reprocher à un ancien un péché qui est avéré. Versets 18 et 19, comme je l'ai dit, les anciens qui s'acquittent de leur fonction de surveillant et d'enseignant sont reconnus dignes d'un double honneur, dans le sens d'un très grand respect. On ne parle pas nécessairement d'une rémunération ici, comme j'ai vu dans certaines interprétations que je ne partage pas. On ne parle pas d'une rémunération matérielle ici, on parle vraiment d'un respect qui est dû aux anciens en responsabilité dans l'Église. Donc, à cause de ce double honneur, à cause des égards qui sont dus aux anciens, il est recommandé d'agir avec précaution et discernement quand il y a des accusations qui sont déposées contre un ancien. En fait, la faute doit être établie hors de tout doute et en dehors de toute erreur d'appréciation. Parce que quelqu'un qui exerce une charge en vue, là, qui exerce des fonctions avec une haute visibilité, bien, ça peut attirer la jalousie. Et par conséquent, la jalousie, ça peut mener aux mauvais propos, ça peut mener à la calomnie. Il faut être conscient de ça. Donc, pour gérer au mieux une situation comme celle-ci, où un ancien se retrouverait accusé, bien, la direction qui est donnée au verset 19, c'est de suivre l'Écriture quant au dépôt des témoignages. L'exigence des témoignages ici, là, l'exigence des témoins, s'est alignée sur ce qui est recommandé dans Deutéronome 19:15 en la matière. Je cite, « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition, de deux ou trois témoins. » Cette démarche-là, c'est toujours dans le même but. Ça vise toujours le même but, c'est de préserver la dignité des anciens et pour respecter Christ dans ce qu'il a commandé. Et dans ce but-là, les dirigeants de l'Église sont mis en garde de ne pas prêter le flanc à la partialité. Partialité, c'est-à-dire je favorise quelqu'un au détriment d'un autre ou je favorise telle situation au dépens d'une autre. Donc, ne pas prêter le flanc à la partialité ou à l'acception de personne. C'est mentionné, ça. La préférence qui est manifestée à l'endroit d'une personne en responsabilité ou qui est bien vue dans l'Église, là, c'est inacceptable. C'est jugé tel quel. Donc, s'il y a un ancien qui a péché et que c'est vraiment fondé, là, cette accusation-là, c'est clair qu'il doit être pris, cet ancien-là. Il n'y a pas de ménagement à prendre ici. Là. Et ce n'est pas parce qu'il est ancien ici qu'il ne doit pas être pris. On ne ménagera pas, on ne favorisera pas cet ancien-là si sa faute est avérée. Personne n'y échappe. Puis un exemple à citer ici là, pour illustrer ce cas-là, c'est celui qui est donné dans Galates 2:14, quand Paul n'a pas hésité devant Pierre. Pierre, très en vue pourtant. Il n'a pas hésité à propos de Pierre, devant Pierre, à cause de son hypocrisie dans l'affaire des judaïsants. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Au lieu de ménager la dignité d'apôtre de Pierre, il l'a repris devant tous afin que sa faute soit manifeste. Paul n'a pas fait exception de personne ici. Pourquoi? Parce que le cas d'un ancien qui pêche, je parle d'un véritable péché, là, avéré, c'est une faute, c'est une situation qui est très grave. Pourquoi? Parce qu'un ancien a de l'influence, un ancien a de l'autorité. Et un ancien qui est en cause pourrait entraîner aussi d'autres croyants à pécher à sa suite, dans son péché. Donc la menace, elle est là. La menace pour la cohésion de l'Église aussi, elle est là. On se rappelle par exemple que jadis Barnabas a été entraîné de cette manière-là, à pécher lui aussi, à dissimuler. Toujours dans cette même affaire des judaïsants là, qui est mentionnée dans Galates. Donc, c'est pourquoi, là, dans le chapitre, dans 1 Timothée 5, verset 20, 5:20, là, il est recommandé que l'ancien qui est convaincu de péché soit repris publiquement. Pourquoi? Parce que les autres anciens doivent ne pas être entraînés à pécher eux autres aussi. Ne doivent pas suivre l'exemple du coupable. je viens de dire ici, c'est sérieux. Au verset 21, Paul demande à Timothée d'observer ces choses de la manière la plus solennelle qui soit, sous le regard de Dieu, sous le regard de Jésus-Christ, sous le regard des anges élus. Pourquoi? Parce que c'est la maison de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ dont il est question, l'Église ici, l'appui et la colonne de la vérité. La maison de Dieu doit être traitée avec révérence et parce que c'est Jésus-Christ, avec toute la considération qui doit être rendue de la part de ceux à qui il est demandé de la diriger et de l'enseigner. Plus importante est la fonction et plus grande est la responsabilité devant Dieu. Plus loin, là, dans le chapitre, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, il est question de prudence et de discernement. Alors, je l'ai mentionné plus tôt tout à l'heure, j'y reviens là, cette fois-ci. La prudence et le discernement sont demandés aux conducteurs en toutes choses. Ils sont demandés particulièrement dans les situations où il s'agit d'imposer les mains. Bon, ça veut dire quoi imposer les mains à une personne? Dans le contexte de l'Église du Nouveau Testament, imposer les mains, là, ça veut dire, on exprime la bénédiction, la sanction, la reconnaissance publique. Donc, en imposant les mains, un dirigeant de l'Église agrée une personne à l'occasion d'une mission ou à propos d'un service quelconque. En imposant les mains, les anciens se déclarent solidaires de la personne à qui ils ont imposé les mains. Et il se déclare non seulement solidaire avec lui, mais se déclare solidaire aussi avec son œuvre. Donc, ils sont liés à cette personne-là et à tout ce qui pourrait subvenir ensuite, une fois qu'ils ont imposé les mains. Par conséquent, si la personne à qui on a imposé les mains se rend coupable d'une offense, d'un péché, bien, ça pourrait éclabousser tous ceux qui lui ont imposé les mains au départ et qui l'ont mise là où elle se trouve. Ça pourrait éclabousser ceux qui l'ont établi dans ses fonctions. Et aux yeux de tous, ceux qui ont imposé les mains pourraient être associés au péché de la personne fautive, puisque ce sont les anciens qui ont placé cette personne à l'endroit où elle se trouve. Donc, c'est pour ça que Paul adresse cet avertissement-là au verset 22. « N'impose les mains à personne avec précipitation. » Pourquoi? Pour que les anciens en poste ne soient pas blâmés d'avoir agi avec précipitation, avec un manque de discernement. Parce que le discernement y est de mise ici, dans le choix des personnes. Comme il est mentionné au verset 25, le meilleur critère pour sélectionner un serviteur dans l'Église, ça reste encore les bonnes œuvres manifestes. Les bonnes œuvres qui sont démontrées, qui sont visibles de la part de ce serviteur-là. Et ces bonnes œuvres-là doivent être manifestes avant même la prise de décision. Et, bon, il y a des bonnes œuvres qui vont être manifestes plus tard aussi également. De là, l'importance d'agir avec prudence et discernement avant d'imposer les mains à qui que ce soit. C'est une autre instruction. Donc, j'en arrive à ma conclusion. C'est bien beau tout ça, on a trois ensembles d'instructions, mais moi, j'ai remarqué quand même des choses qui les lient ensemble. J'appelle ça des liens. Hein? Je n'ai pas trouvé un meilleur mot que ça. On a vu qu'il y avait des instructions qui concernaient la remontrance. On a vu qu'il y avait des instructions qui concernaient au sujet des veuves dans l'Église. Et finalement, on a vu des instructions concernant la prudence et le discernement à exercer à l'endroit des anciens, mais aussi dans le choix des ouvriers. Et ces enseignements-là, ces instructions-là, ne sont pas détachés les uns des autres. Comme j'ai mentionné, il y a des liens qui les unissent, ces enseignements-là, ces instructions-là. Non seulement ceux du chapitre 5, mais aussi, je dirais en général, tous ceux de l'Épître et, par extension, toutes les instructions qui sont données dans la parole de Dieu. En fait, ces liens-là permettent de faire tenir ensemble toutes les briques qui forment l'édifice de l'Église de Dieu, de Christ. Bon, je n'ai pas la prétention ce matin de vous présenter l'ensemble de ces liens-là, de ces liens qui permettent à l'Église de tenir ensemble. Je vais simplement me contenter de rappeler ceux qu'on a eu l'occasion de voir dans le chapitre 5. Puis il y en a trois. À mes yeux, j'en vois trois. En premier lieu, là, dans toutes les instructions qui sont données dans Timothée, dans le chapitre 5 de Timothée, ce qui ressort, c'est vraiment l'importance de la piété. On en a parlé la semaine dernière, je reviens là-dessus. La piété est fondamentale tant pour les dirigeants que pour l'ensemble des croyants. Puis, on l'a défini la semaine dernière, la piété, mais ça doit vraiment caractériser la conduite de tout serviteur de l'Église, là où il est appelé. La piété, là, en fait, ça ne s'intéresse pas au quoi, ça s'intéresse au comment. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, la piété, là, c'est, ça se définit par « il faut se conduire avec zèle et avec ferveur, être dédié tout entier au service de Christ, dans les choses que Christ a définies pour son service. » Il nous est demandé de servir, de suivre l'exemple de Christ. Christ nous est donné comme modèle suprême à imiter. Donc, il faut être dévoué comme lui-même a été dévoué et parfaitement soumis à son Père. Et tout comme Christ, le peuple de Dieu doit être lui aussi irréprochable dans sa conduite. Tout ça à cause de la crainte qu'on a de Dieu et de sa parole et de ses avertissements à notre égard. Donc, la piété aussi, ça peut se définir par la crainte de Dieu et le désir de lui plaire. La piété, ça se manifeste non seulement dans les soins donnés à l'Église, mais également dans les rapports de famille. La piété, c'est la base, vraiment la base de l'ordre dans la maison de Dieu, même quand il s'agit de soins matériels. Bon, bien entendu, là, les instructions qui sont données tout au long du chapitre et tout au long de l'épître, bien, ce ne sont pas des ordres à prendre au sens légal. Je l'ai dit plus tôt, on le fait parce qu'on veut plaire à Dieu, parce qu'on respecte sa parole. On ne le fait pas parce que c'est une loi qu'on doit respecter absolument. On en appelle au cœur ici, non pas à l'obligation d'agir parce que c'est écrit dans un texte de loi. Pourquoi on agit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on veut servir Dieu? Parce que ça lui est agréable. Hein, comme il est mentionné, là, je ne me souviens plus exactement, je pense au verset 3. Là. Parce que ça lui est agréable, comme il est dit au sujet des familles qui sont appelées à prendre soin de leur mère qui sont veuves. On fait ça parce que c'est agréable à Dieu. Et c'est pour Dieu et à cause de Dieu qu'il est bon que toutes ces instructions-là soient suivies, et non parce qu'il y a une obligation formelle à le faire. On ne fait pas ça non plus parce qu'on veut bien paraître aux yeux des hommes. C'est vraiment une question de mystère de la piété. Et ça, c'est constant tout au long de l'Épître, c'est constant tout au long de l'histoire de l'Église, bref, tout au long des Écritures, finalement. L'appel à la piété. « Soyez mes imitateurs, nous dit Jésus-Christ. » Donc, à son exemple, « marchons comme lui a marché. » Ça, c'est un premier lien. J'en vois un deuxième. Je pense que vous me suivez. C'est l'insistance sur l'ordre et la discipline dans l'Église. Une des raisons pour lesquelles toutes ces instructions-là sont données, c'est pour maintenir l'ordre dans la maison de Dieu. Et sans ordre, il n'y a pas d'Église. L'ordre est demandé dans les relations entre frères et sœurs, dans les affaires de l'Église, dans les agissements des dirigeants, dans l'administration des questions matérielles. Bref, ça s'exerce partout, l'ordre ici. Toutes les instructions qu'on voit au chapitre 5, là, ça vise non seulement à garder l'ordre dans la maison de Dieu, mais c'est aussi afin de la préserver des abus. Des abus qui pourraient survenir et qui pourraient causer du tort à l'Église de Dieu, à l'Église de Christ. Donc, aucune situation ambiguë ne doit être tolérée au niveau de la direction de l'Église, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, faut-il le rappeler. Et quand il s'agit de l'ordre à respecter dans sa maison, bien, Dieu nous donne minutieusement les moyens de parer à toute situation de désordre. C'est ce qu'il fait dans l'Épître de Timothée. Les devoirs des familles quant au soutien des veuves, c'est à mettre sous ce rapport-là. C'est celui d'une conduite ordonnée des croyants dans l'Assemblée. l'assemblée qui est la maison de Dieu. Il en est de même pour ce qui est des jeunes veuves au sujet de leur remariage. Encore une fois, c'est un impératif d'ordre dont il est question ici. La volonté divine, bien sûr, étant de garder la jeune veuve dans une activité bénéfique et ainsi de la préserver de toute paresse et oisiveté improductive pour son propre salut, pour son propre bien. Et aussi pour le bien de l'Église, parce que le désordre engendré par les agissements de femmes oisives, bien sûr, ça cause du désordre dans l'Église. Et l'Église va en souffrir. Un dernier liant, c'est l'appel qui est fait à la prévenance réciproque, à l'amour fraternel, autrement dit. Donc, la relation, l'amour fraternel doit vraiment caractériser nos relations entre frères et sœurs à tous les niveaux. On n'est pas là pour se manger les uns les autres. On n'est pas là pour prendre avantage les uns par-dessus les autres. On construit tous le même édifice qui est l'Église, sous la bénédiction de Christ. Et en tant que croyant, ben, mon devoir, c'est d'aimer mon prochain. Je recherche son bien. Je m'intéresse à lui, je m'intéresse à ce qu'il vit dans sa vie. Pourquoi? Parce que Christ m'a aimé le premier, il m'a demandé d'agir ainsi à sa suite. Et en retour, moi, je peux avoir l'assurance que les autres vont s'intéresser à moi, parce que c'est ça l'amour fraternel. C'est pas dans une seule direction. Donc, on est tous appelés, ou nous sommes à vivre la vie de l'Église, hein, dans le service, à faire don de nos ressources, à vivre pour notre prochain, à faire preuve de prévenance réciproque. On a vu le vrai modèle, le modèle de la vraie veuve qui sert avec abnégation. Et derrière ce modèle-là, on voit vraiment le modèle de Christ qui nous sert d'exemple. Donc, à nous de le suivre. C'est tout. Bonne semaine.